sabe. O sábio abandonou coquilhagens. Sou de sable abandonné. Quel vent, contre horde, contre vent l'emportera. Le vent mauvais, le vent mauvais, ça fait tout. Interstice. love the word. The end of this civilization is not the end of the world. Intercontinental.